Eh bien, bonjour chers auditeurs et auditrices, vous devez sûrement connaître ma voix, c'est le Slasher, et on se retrouve pour une toute nouvelle émission du nom de Touche à tout. Pourquoi déjà Touche à tout? Parce que cette émission touche à tout, dans tous styles musicaux et dans tous objets divers et variés, et nous allons vous en faire découvrir au fur et à mesure de l'émission. Mais là, on va déjà commencer avec une bonne petite chanson pour se mettre dans le bain, avec D.Y.E. She's Bad avec Egyptian Lover. J'espère que ce petit titre électro vous aura plu. C'est D.Y.E. She's Bad avec Egyptian Lover. Donc maintenant, on va directement rentrer dans le bain de cette émission Touche à tout. Et là, on va toucher à des jeux de société d'humour noir. Donc c'est tout simplement le jeu Blanc et manger coco. Donc sur la table, il se présente 3 decks qu'on a reçus de Thibaut. Donc merci Thibaut pour ces decks. Donc on a le premier deck, c'est la première édition de Blanc et manger coco, qui est déconseillé au moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a des mots assez troublants, hein, qui n'est pas vraiment pour les enfants, mais on se marre quand même bien en jouant. Donc on a aussi la recave qui est avec 200 cartes bonus. Et leur dernier deck, je crois que c'est La Pilule, donc un jeu conçu pour tous les adultes qui ont eu un enfant. Donc le jeu se présente comment? On a un petit deck avec des personnages, Blanc et Manger Coco. Et en fait, c'est des cartes. Tu as des cartes noires et des cartes blanches. Et par exemple, tu as une carte conseil de nanana. Et tu dois trouver la meilleure réponse. Et franchement, c'est super marrant. Dans l'émission, ne vous tracassez pas. On fera une partie un jour. Je sens que ça va être super amusant et qu'on va bien se marrer. Donc, mais encore merci à Thibaut pour Blanc et Manger Coco. Ce jeu est fab. Et à quoi? Voilà, encore merci. Et donc là, on va s'écouter. Bon, un exemple de carte. Ouais. Tu veux un exemple de carte? Bah, par exemple, conseil du présentateur télé, se boucher les oreilles avant d'écouter du gradure. Voilà. C'est un exemple assez marrant. Et quand tu te marres à fond, et on va essayer de jouer un jour avec le patron à ce jeu de société en direct, je sens qu'on va vraiment se marrer. Mais là, on va faire une petite pause musicale avec The Shoes, Time to Dance. America. voilà, c'était The Shoes avec Time to Dance, qui est une chanson super bien, qui dure quand même assez longtemps, mais on est bien gâté avec cette chanson, et le clip est quand même vachement gore et super bien réalisé. Donc voilà, en cherchant un peu pendant cette petite pause musicale, nous avons trouvé des cartes très très très marrantes. Donc exemple, le black metal, c'est attendrissant. N'est-ce pas Squeam ? Ouais. Je trouve que c'est attendrissant. Ou il y a aussi dormir, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à mon gosse. Ah, bah, moi je suis un peu comme ça, j'aime bien dormir. Voilà, donc c'est parfait. Donc maintenant, on va vous parler d'un objet qui est un peu à la mode, beaucoup à la mode. Qui est tendance, c'est bien sûr le hand spinner. Donc c'est un objet qui sert à quoi à la base? Ça sert à rien, mais ça a été mieux développé, donc ça a servi à réduire le stress, l'anxiété, et aussi bah, c'est fait pour faire des figures avec, assez fun et marrantes. Mais à la base, petites anecdotes, quelques anecdotes comme ça, c'est que le hand spinner à la base était fait pour les autistes. Et aussi le hand spinner, alors là je crois que je vais en étonner un, qui est à la technique, c'est Scream. Le hand spinner existe depuis 20 ans. Et il est revenu sur le devant de la scène, tout simplement, il y a quelques mois de cela, donc c'est assez marrant. On peut en retrouver de toutes les formes, de forme carrée à forme triangulaire, toutes les formes qu'on veut. On peut aussi en retrouver dans toutes les matières, métal, aluminium, argent, couleur or, etc. Et on peut en retrouver bien sûr dans partout où vous allez, où vous avez au moins un hand spinner, c'est obligé. Donc franchement, moi mon ressenti sur cet objet, je trouve super bien, ça nous canalise bien et j'adore. Et toi Scum, tu n'as pas un ressenti ? Bah, ça me calme quand je suis devant la télé, voilà. Ça te calme ? Ah ben super, donc là on va un peu se distraire en parlant Cinoche. Et oui, donc on va voir ce qu'il y a comme programmation au cinéma Forever de Moucron, qui est ben, dans la ville où la radio est à Moucron. Donc je vous invite à y aller si vous avez des films qui vous plaisent à l'affiche. Donc on a Le Fantôme d'Ismaël ou Les Fantômes d'Ismaël, Alien Covenant, ça, j'ai envie de le voir. Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Un film d'horreur qui a fait beaucoup parler de lui, c'est Get Out, par le réalisateur d'Insidious. Je sens qu'il va vraiment bien faire frissonner celui-là. Il y en a aussi pour les enfants, pour ceux qui ont envie de se distraire, Mes Vies de Chien, qui a l'air d'être un super beau film. Il y a Les Gardiens de la Galaxie 2. Et ben, tout à l'heure, on va vous offrir une petite critique sur ce film. Il y a Life, Origine Inconnue, Jour J, Fast and Furious 8, Baby Boss. Les Schtroumpfs et Le Village Perdu, mais il faut savoir que ce n'est pas vraiment une suite de tous les films Schtroumpfs qu'on a l'habitude de voir. Et il y a aussi La Belle et la Bête. Donc un bon petit programme, je sens que vous allez quand même trouver votre petit péché mignon dans ces séances. Donc là on va s'écouter un titre qui à mon avis que Scream danse dessus de malade, c'est Space Frog. Follow me. c'était la chanson Space Frog, Follow Me, une excellente chanson, une bonne vieille chanson qui fait bien ravir les oreilles. Donc maintenant, là on va vous parler des Funko Pop Popito, qui sont vraiment super bien. C'est quoi les Funko Pop Popito? C'est des petites figurines à la grosse tête qui sont assez marrantes, mais il y a quelque chose qui vont vous surprendre chez ces figurines. C'est qu'on peut y retrouver de tout univers, notamment du cinéma, des films, de la musique, des dessins animés, des livres, de tout. Même les stars de foot, vous pouvez tout y retrouver, les saisons, toutes les licences que vous adorez, je vous le conseille vraiment. Et aussi dans les pop, ben c'est écrit en 2012 de chez Funko Pop Popito. Et ça a quand même bien grimpé depuis 2012, il y a des figurines qui ont bien grimpé, notamment il y a la fameuse figurine de l'orange mécanique qui vaut quand même 10 000 euros, donc ça va quand même, mais on peut y retrouver dans un prix normal en magasin, prix que vous avez, c'est sûr et certain, vous pouvez y retrouver votre petit péché mignon, donc là déjà, on en a reçu de chez Funko Pop Popito, on vous les présentera prochainement dans la prochaine émission. Et là, on va un peu vous parler de l'histoire des pop. Donc, ils ont commencé tout simplement avec les pop Star Wars et Marvel. Et vu qu'ils ont vu que ça a super bien marché, ils ont eu des demandes de fans de faire celle-ci. Ils ont réalisé leurs demandes. Et ça a tout simplement grimpé. Il y a des excellentes collections. Et le pop numéro 1. On le possède, c'est Jason Voorhees de Vendredi 13, hein, le fameux Jason avec sa machette et son masque de hockey emblématique. Et ben, il y en a qui valent très très cher et d'autres qui valent normal. Il y a des différentes sortes, des éditions limitées qui brillent dans le noir, des exclusivités de magasins. Il y a plein de choses qu'on peut y retrouver sur ces figurines. Et il y a aussi un style assez particulier, c'est les taches de sang, notamment sur la figurine Negan de Walking Dead, qui est vraiment marrante. Il y a aussi des bobbleheads avec des petites têtes de ressort qui bougent. Ils font surtout ça pour les Star Wars et les Marvel, j'ai remarqué, et notamment... Nous, la collection qu'on préfère, la sous-collection qu'on préfère, c'est les Walking Dead. On peut vraiment y retrouver de tout. Il y a aussi les Funko Pop Popito Riders. Donc, en gros, c'est un pop normal que vous avez, plus son véhicule. Donc, il y a par exemple Daryl Dixon avec sa chopper, sa super belle moto. Il y a Batman avec sa Batmobile. Vraiment, vraiment de tout. Il y a aussi des pop qui sont en fait, qui brillent dans le noir. Qui brillent dans le noir quand on les met dans le noir. Ils brillent d'une certaine couleur. Il y en a qui brillent en bleu, il y en a qui brillent en jaune. Vraiment de toutes les couleurs. Il y en a qui sont en paillettes. Ils sont assez marrants, rien à dire dessus. Et vous pouvez aussi y retrouver une boîte chez les pop qui est vraiment assez particulière. On reconnaît l'esthétique d'une pop. La boîte, elle est comment? Tout simplement, c'est une boîte où on voit le croquis du Funko. Et c'est assez marrant quand on l'achète. On voit directement la figurine, on a directement accès à la figurine. Et les pop, c'est aussi une grande tendance du moment et qui existe quand même depuis 2012. Donc c'est quand même devenu tendance depuis 2012 à leur création. Donc là, ça te dit si on peut faire aussi un pop nous-mêmes, tu veux qu'on fasse un pop? Il y a aussi on peut créer son pop nous-mêmes sur leur site. Et un pop à son effigie, pourquoi pas? Ça doit être assez marrant. Et donc, pourquoi reconnaît-on un pop facilement? Tout simplement, si vous vous baladez quelque part, vous allez dire « Ah, ça, c'est un pop directement !» Parce que déjà, c'est une petite figurine à la grosse tête. Et c'est qu'ils ont des yeux tout ronds, noirs, et qu'ils n'ont pas vraiment d'expression, à part vraiment quand on voit vraiment le froncement des sourcils, etc. Mais il n'y a pas de bouche qui fait reconnaître l'expression. À part pour les petits monstres qu'on peut retrouver comme Ghostbuster, Slimer, etc. C'est vraiment bien. Et en parlant de ça, il y a même des pop saison, des pop sur la Chine, de toute la culture. Et maintenant, on va s'écouter une petite pub et juste après, on va s'écouter Denzel Curry avec Ultimate. « On ne vous a pas tout dit. L'émission qui fait débat. Quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit. Les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Donc c'était la petite annonce pour On ne vous a pas tout dit. Et là on va s'écouter tout de suite le titre de Denzel Curry, Ultimate. Respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tanks arouse the fate, don't have a face, so now you lay open the gates. Great, eliminate like a lemonade. Hey, young boy, had to penetrate. Face, young boy, done caught a case. Bang, now my mama living with the pain. Wait, doctor says he's gonna stay. They don't get the sense of me, so he regenerate. Now a nigga harder than a head of the state. Denzel Curry is the new candidate. Ultimate, alternate, you are the opposite. Stop the shit, chop your esophagus. Bitches be bopping and bow down and popping and dropping it in her esophagus. She is so nasty in public, she classy. Perhaps she gets able to swallow it. Girl, I can make you a star. Then I put her ass on Apollo, bitch. Bitch, I am ultimate, behold my awesomeness. Narcissist, part-time and arsonist. Ripping through cartilage, I am the hardest bitch. Wrap it up, put in sarcophagus. Dearly departed, it's done when it started. So now that I'm living so harmonious, feeling like Spartacus, Curry the ultimate. I am the best, there's no politics. Bitch, I'm ultimate. Ultimate. Bitch, I'm I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tanks arouse the fate, don't have a face, so now you lay open the gates. Ultimate infinite, flow is open, you open the internet. Photosynthesis, put up parenthesis. Temporary, very scary, if I feel like dirty hair, it's just my buzzer, bitch. Never knew my life, but yet the question is he fake, is he real? What the messages? Chop a bitch nigga up, I'ma sever it. When I sever shit, I kill him, no Coney. These niggas ain't homies. Claim you the homie, I turn into Broly. Dropping melodic into the cosmic flow like a prophet. Lyrical toxic, flow like a foreigner. I'm the torturer out of South Florida. Call a coroner, killed in the corridor. I'm the overlord, rhymes like a sorcerer. I'm an animal, bitch, I'm a beast. Nigga, you tell me who fucking with me. K to the I to the N to the G. Claim you the hottest, but I disagree. Something and get a degree. This was our infamous, so R.I.P. All reproduction bitches looking thirsty, riding through the dirty like it's mandatory. In the other story, I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tape surrounds the fate, don't have a face, so now you lay open the gates. Donc, c'était Denzel Curry avec le titre Ultimate. Et maintenant, on va passer à la plage critique de films. Donc, on va déjà commencer par un film qui vient de chez Universal. C'est Monster Car, un Blu-ray, qui est sorti en 2016, qui vient des USA et du Canada. Donc, le synopsis, c'est quoi ? C'est... Pour échapper à la vie trop tranquille de sa ville natale, Trip, un lycéen, construit une Monster Car. À la suite d'un accident près d'un site de forage pétrolier, il découvre une créature étrange et souterraine qui a le goût et un talent sur la vitesse. Trip a peut-être trouvé le moyen de sortir de la ville et a gagné un ami très improbable. Donc oui, c'est le cas de le dire, un ami très improbable, mais super mignon et super marrant. J'adore le rire de cette bête qui est super marrant. Ce film est tout simplement bourré d'action. Il y a plein d'actions dans ce film, des bons plans grues, des bons plans sur les voitures, des super belles voitures d'ailleurs. Et on rentre en fait dans la psychologie de ces personnages et c'est vraiment super. Père, bien, le film est réalisé par Chris Wade. L'histoire originale est de Matthew Robinson, Jonathan Abel et Glenn Berger. Et donc, dans les acteurs, il y a Lucas Till, Lane Lev, Thomas Lennon, Barry Pepper, Rob Lowe et Danny Glover. Danny Glover qui a un super rôle dans ce film, un rôle monstrueux. Donc le film, vous pouvez le regarder avec les petits et les enfants. Ce film vous fera rigoler et parfois même un peu inquiéter pour l'essor du personnage. Mais c'est vraiment super bien. Donc c'est Monster Car. Et il est sorti le 3 mai chez Universal. Donc là, maintenant, on va vous parler d'un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps au cinéma, qui n'est pas encore à la vente. C'est Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, qui est vraiment super bien. Donc, c'est rien à dire sur ce film. On retrouve notamment les bons personnages comme Drax, Rocket Raccoon, Star. C'est vraiment super bien. Il a la recherche. Il va tomber sur une personne improbable et qui va être content de le voir. Mais ce film, à un moment donné, je vais pas vous spoiler, mais il y a un moment qui chamboule tout, qu'on s'attendait vraiment pas et qui nous fait surprendre. Et même à la fin, ce film nous fait rire, pleurer, surtout le personnage de Drax. Un humour, mais c'est incroyable, quoi. Ça nous fait super rire, le duo Drax et Rocket Raccoon. Mais une petite critique que j'ai à dire sur ce film, c'est que en fait Rocket Raccoon est un personnage un peu plus principal, on dirait, que Star-Lord. On trouve qu'il est un peu plus présent que Star-Lord justement dans ce film. Donc je vous le conseille, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Il est sorti le 26 avril 2016, il dure 2h16. Il est de James Gunn. Il y a Chris Pratt qui fait Star-Lord, Joe Sandala, David Bautista, etc. C'est un genre de film action, science-fiction, comédie américaine. Hein. Fatalement, on peut aussi retrouver une playlist musicale vraiment super bien dans ce film. On a aussi des scènes d'avant et des scènes d'après. Et je trouve ce film vraiment génial. Donc maintenant, on va s'écouter... Quoi ? Marvel, oui, c'est un Marvel Scream. Donc maintenant, on va s'écouter un titre pour un peu nous apaiser de la chanson qu'on a eue tout à l'heure. C'est encore du DYE, mais je kiffe cet album. DYE avec la chanson Fantasy. We'll be right back. Donc c'était la chanson D.Y.E. Fantasy, une chanson plutôt calme qui est vraiment super bien, qui nous donne envie de danser, qui est vraiment super bien, mais le clip a une toute autre facette et a fait beaucoup parler de lui sur l'internet. Bah, c'est le clip qu'on peut y retrouver des jeunes qui se baladent en genre de dessin animé très réaliste, on va dire manga. Ils se baladent et ils vont rentrer en infraction dans une piscine. Et on voit que c'est des ados, hein, voilà, ils s'embrassent, machin. Et après, bah, il se trouve que la personne se transforme en une sorte de bête, d'une forme assez bizarre, douteuse. Et elle va attaquer les personnes d'une façon très bizarre. Et c'est ça qui a fait beaucoup parler d'elle sur Internet. Et aussi, à la fin, on peut retrouver la fille, une des personnages principales du clip, qui se retrouve en enfer et qui meurt. Donc, c'est assez troublant comme clip. Mais la chanson reste super magnifique. Ça date de 2012-2011, donc rien à dire dessus. Maintenant, on va un peu bouquiner dans l'émission. On va vous parler d'un livre assez marrant. C'est le livre de Max Brooks, vous devez le connaître, hein, le guide de survie en territoire zombie. Donc c'est un livre super marrant. Donc on va vous lire le synopsis de ce livre tout de suite. Ne prenez pas à la légère votre bien le plus précieux, votre vie. Ce livre contient toutes les clés pour survivre à une horde de morts-vivants qui s'approche de vous en ce moment même. Proposant des exemples précis et des astuces reconnues par des experts de renommée internationale, le guide de survie en territoire zombie vous donne la conduite à tenir en toutes circonstances pour vous tirer d'affaire, vous et vos proches. Ce livre peut vous sauver la vie. Donc c'est le cas de le dire s'il y a des zombies, hein, vu que les zombies n'existent pas, hein, à vous de voir. Donc ce livre... Et c'est pas un livre parodique, non, comparé au synopsis qu'on peut lire, mais ce n'est pas du tout un livre parodique. C'est d'ailleurs très sérieux, on a des chapitres comme sortir de chez soi, se barricader, les armes à avoir, comment se protéger soi et sa famille, l'autodéfense, comment trouver la nourriture, des ressources tout simplement pour se nourrir. Et bien tout est dans ce petit livre qui contient quand même beaucoup de pages, qui contient à peu près 400 pages. Donc c'est déjà quand même bien à lire. Moi j'ai bien lu le livre, je l'ai bien dévoré. Et je peux vous dire qu'il est super bien en cas s'il y a des zombies. Ou même à lire comme ça, c'est assez marrant. On peut y retrouver des astuces de toutes sortes, etc. Donc maintenant, un exemple. Donc par exemple pour sortir de chez soi... Bah, il faut attendre au moins un ou deux jours après l'apocalypse, vu que les gens de peur vont se précipiter vers d'autres domiciles ou se barrer de la ville, et donc il va y avoir des embouteillages dans les bouchons, et les morts-vivants vont faire leur croc-croc, ils vont manger les humains, et cette personne pourra sortir après. Donc maintenant on va s'écouter un autre exemple. Il y a aussi, par exemple, pour se barricader chez soi, on met tout simplement des planches de bois, comme sur les vieux films de George Romero. Et donc, il y a aussi pour les armes à avoir, tu dois avoir des armes blanches, des snipers, etc. Mais je crois pas qu'on va tous trouver des snipers. Il y a aussi un kit pour survivre, tu dois avoir des pastilles de purification d'eau, un kit de premier secours, des lampes de poche, une boussole, hein, ce qui est un peu général chez tous les survivalistes. Une carte de la ville, peut-être même une voiture et de l'essence pour mieux circuler, ou en tout cas un moyen de motricité, il faut avoir une bonne maison aussi, bien résistante en cas d'attaque de zombies, comme il appelle, de force 1, 2 ou 3, donc c'est des grosses hordes, ça va de la petite horde à la grosse horde, et je sais pas si c'est fantastique ou quoi, mais vers la fin de ce livre, il recense des cas qui semblent être des cas de zombies. Et à la fin, on peut y retrouver des petites lignes, et ça sert à quoi ? C'est par exemple, demain, il y a une apocalypse zombie, tu vas écrire ton témoignage à la fin de ce livre. Mais je crois que s'il y a une apocalypse zombie, je crois pas que tu auras trop envie de d'écrire des lignes, tu vas plutôt sauver ta peau. Donc maintenant, on va un peu se calmer, on va s'écouter un titre, Chew Lazarus avec Goodbye Horses, qui vient de la superbe BO de du Silence des Agneaux, un film super bien de thriller avec Anthony Hopkins, qui est le meilleur rôle de sa vie. C'est l'un de mes meilleurs films, donc voilà, Chew Lazarus avec Goodbye Horses. que c'était Q Lazarus avec Goodbye Horses, qui fait partie de la BO d'un magnifique film, Le Silence des Agneaux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou ceux qui ne l'ont pas vu. C'est tout simplement la scène où Buffalo teste son costume de peau en dansant nu avec son chien Bijou, dénommé Bijou, et où il y a la fille dans le puits. Cette scène reste quand même une scène très très mythique dans le film, avec notamment celle de Anthony Hopkins, où il reste 3 à 5 minutes les yeux ouverts, où il s'était entraîné en relisant des dossiers de psychopathes. Il s'était entraîné justement à ça pour bien s'immerger dans son rôle. Donc maintenant, on va vous parler d'une autre mode aussi, hein. C'est les bracelets en paracorde. Donc c'est quoi la paracorde ? C'est une corde solide, à la base fait pour les militaires qui sont en parachute, les militaires américains. Et bien tout simplement, ici on peut faire plein de choses, notamment des bracelets qu'on tisse avec la paracorde, qui sont vraiment super beaux. On peut en faire des colliers et même, que je vous disais tout à l'heure, des hand spinner, on peut faire le contour en paracorde pour des hand spinner. Et ce bracelet est vraiment bien. Vous pouvez même vous en faire vous-même, vous trouverez de la paracorde dans vos magasins favoris, hein. Et vous tissez avec de la paracorde, il vous faudra juste comme matériel avec ça, de la paracorde, un petit clip ou si vous voulez nouer, et un briquet pour terminer le fil. Vous en avez de toutes les couleurs, ça peut aller de vos couleurs roses ou couleurs de treillis militaires, vous avez vraiment du choix. Et donc là, on va passer sur des autocollants vraiment assez marrants et faits à la main. Donc c'est des autocollants qu'on peut vraiment avoir pour tout. Les pompiers même conseillent ces autocollants. Donc on a des autocollants de chiens sur le One Ride 2017 de Waterloo. Et vous avez tous les styles des plaquettes en vinyle, les formes que vous voulez, en forme ronde. Vous pouvez vraiment faire vous-même. C'est sur devis par contre. Mais ces autocollants sont vraiment d'une super bonne qualité. C'est pas les petits autocollants qu'on avait l'habitude de coller, les petites gommettes qu'on collait sur son bac à jouer quand on était petit. Donc c'était super marrant. Donc j'espère que la première de Touche à tout vous aura plu. Merci à tous les partenaires pour ces objets. Et la semaine prochaine, nous avons déjà le programme. Nous allons parler de l'urbex, voir ce que c'est l'urbex. Parler encore de Funko Pop Popito et de plein d'autres choses qui se réservent pour vous la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui ont écouté. Donc là, on va écouter le titre Wake Up de Notorious B.I.G. avec Jonathan Davis. Should I let you die? If then you start to cry, ask why. lyrically I worship. Don't front the word sick, you cursed it, but rehearsed it. I drop unexpectedly like bird shit. You heard get stuck quickly for royalties and show money. Don't forget the publishing, I punish them. I'm done with them, son. I'm surprised you run with them. I think they got coming, cause they nothing but dicks. Trying to blow up like nitro and dynamite sticks. Man, I smoke hydro, rock diamonds that flip. Got paid off my flow, rock with my own clip. Take chips to Cairo, play in with your bitch. I know you playing, you was rich, fucking freak. When I see you, I'm a C'était la chanson Wake Up de Notorious B.I.G. avec le groupe Korn. Donc Notorious, hein, ben, paix à ton âme, et ben, il est mort, Notorious. Vous pouvez notamment aussi le retrouver en pop, le petit Notorious B.I.G. Mais je crois qu'il coûte quand même déjà assez cher, il a déjà de la valeur. Ben, je vais vous faire un petit résumé de tout ce qu'on a parlé dans l'émission. Donc, on a parlé de jeux de société blanc et manger coco. On vous a parlé de Monster Car, des Gardiens de la Galaxie 2, de Bracelet en paracorde, de Hand Spinner, d'autocollant et du guide de survie en territoire zombie de Max Brooks. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera encore pour une émission. On va vous parler d'Urbex et de plein d'autres choses. Déjà, merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés pour une première émission. Et merci à tous nos partenaires. Vous pouvez retrouver tous les liens des produits, les photos des produits sur la page Facebook de Touche à Tout. Donc maintenant, on va s'écouter une chanson, mais je vais vous d'abord parler de son historique. C'est Joss Wings, Don't Cloat. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Joss Wings est un DJ des années 80, et c'est qu'il était sous effet de drogue, hein, type LSD, etc. Et il avait composé dans son garage une chanson en enregistrant son rire et en le mixant avec des petites RC200, des bonnes petites platines. Donc c'est Joss Wings avec Don't Cloat. Bon allez, à la prochaine les toucheurs.